Il est Michel Vedette, tout à fait précisément Michel Vedette. Voilà. Ah, bonjour, bonsoir Michel Vedette. Bonsoir Joachim. J'aime bien ce genre de truc parce que c'est complètement calculé, complètement préparé. Et ça me fait plaisir de te retrouver sur mon antenne. Eh ben, je sais pas si toi ça vient du fond du cœur, mais moi aussi ça vient Ben vraiment. ça, ouais, moi, ça me vient du fond du cœur. Ben pareil. Vraiment. J'ai le cœur qui fait boum. Ouais. Et eh Tu bien. sais que, juste pour te dire, juste avant que tu nous délectes de tous tes sons, j'ai beaucoup, beaucoup de fans autour de moi. Ouais. En ce qui te concerne, Ah bon? c'est-à-dire que ouais, les gens disent, mais putain, mais il a une collection de disques incroyable, on adore, on écoute, c'est vachement Eh bien. ben Beaucoup de what's... messages sur Facebook, sur MySpace, sur le mail sélectionmusique@orange.fr. Enfin, On beaucoup de a sonné messages un là? peu. Non, c'est sur mon téléphone, Ah tout d'accord. va bien. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui aiment ta musique et Eh ben je sais voilà. pas s'ils vont continuer à aimer parce que ce soir je suis allé j'ai poussé un peu le bouchon un peu plus loin encore. Ouais. Voilà, ça va faire assez mal. Ah, d'accord. Donc tu veux que je passe mon générique Michel Vedette? Ouais, passe ton Alors c'est un générique, vieux Michel. générique à une époque où j'ai failli devenir une superstar du show business. D'accord, bah, on écoute. Je suis Michel Vedette. Pas mal, pas mal. Ça, c'est Ouais. 30 000 euros, ça, un jingle comme ça. Hein. Ah, 30 000 euros. Bah écoute, non, non, non, mais il est bien, il est bien, il est juste. Voilà, tu dis juste ton nom, quoi. Michel Non, je crois que t'as Vedette. pas bien écouté. Ti. Attends, pardon. Hop, hop, hop. Oh, refais, refais, refais. Vas-y, on envoie. Hein. On envoie, attention. Allez. Je suis Michel Vedette. Ah d'accord, je viens de Ah comprendre. ouais, non, il y a. Elles épellent Ah bah oui. Vidiiti. Oui. Ah d'accord. Alors pour la petite histoire, faut savoir que j'étais DJ pour un mariage dans lequel il y avait d'ailleurs Lionel Jospin. Ah oui, Ah ouais, j'ai fait. pas Lionel Ben Semoun. Je connais pas Lionel Ben Simon. Bon Je d'accord. connais Lio. Dio, ouais, bah Ah c'est c'est lui. Lio, c'est lui. Et tu savais que Michel Vedette avait été DJ dans une soirée où il y avait Michel. J'ai fait danser Lionel Jospin, moi. Bah c'est bien. Bah, c'est peut-être ça qui l'a perdu. Oui, C'est je l'ai ça. vu le lendemain à la Garden Party. Non, mais tout va. Alors, c'est pas évident de parler avec le nez qui touche le micro quand Non, même. mais là, tu parles bien. Les gens t'entendent très, très bien. Et donc, à ce mariage, il y avait une fille. Et Ouais. bah, tu sais quoi? C'était la chœur, une des D'accord. chœurs de Une cette choriste. chanson, Une des une des choristes. choristes. Et elle avait ce truc en guise de musique de téléphone, de sonnerie. C'est vrai. Et donc, dès qu'on Et l'appelait, elle m'a tac, dit, ça faisait et quand elle a Michel entendu que c'était Vedette. Michel Vedette le DJ, elle a dit, mais c'est hallucinant, s'y croit pas. Et Ouais. voilà, elle est venue me déclarer que sa fanitude. Et t'as couché avec elle ou pas? Non, c'est une femme mariée, et puis de toute façon, Michel Vedette couche pas avec ses fans. Ah oui. Ah oui, on mélange pas le Voilà. travail et le sexe. Ça fait longtemps, mine de rien, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Jean-Paul Starr. Hein. À chaque fois, on en parle, mais on Mais a. en même temps, il est là sans être là. Ouais, il est toujours là. Jean-Paul Starr, c'est un esprit. Hein. C'est qui D'accord. peut prendre possession de n'importe quel. À n'importe quel moment de l'antenne, il prend la. N'importe quel corps. Il peut prendre possession de ton corps. Non, non. Ah, bah ça, tu te trompes, Bon, on figure-toi. verra dans la soirée, peut-être Bon, que. je propose de balancer ce Du son-là. son, du Ouais, son, bien ouais, sûr. ouais. On envoie du son. Vas-y. Vas-y, moi je. Voilà, c'est parti là. Tu nous diras ce que c'est après ou Ouais, pas? je vous dirai après ce que c'est. On peut parler dessus ou. Non, ouais, comme tu On veux. écoute un peu? Écoute un peu, tu vois. D'accord. Ça fait mal. T'as décidé de nous faire mal Ouais, ce soir? un petit peu. Souffrir? SM un peu. Un peu SM. SM de la musique. Mais est-ce que les gens vont beaucoup quitter l'antenne en écoutant ta sélection ce Ben, soir? c'est que. Peut-être. On va tout de suite le savoir. Chut, on va tout de suite le savoir, attention. Qu'il y a une vraie culture de la fanfare en Angleterre. De la fanfare bourrée, tu veux dire ou pas? La vraie culture de la fanfare bourrée en Angleterre. C'est le c'est l'orchestre le symphonique de Portsmouth. Enfin, Portsmouth. Peut-être pas le officiel. Ouais. Portsmouth complètement ivre hein, après le Munken Beer Fest. Ah non, mais non, ça a juste pas joué quoi. Attends, laisse continuer. Bravo. Alors ça, moi je dis super morceau, c'est une petite perle. Hein. Ça c'est direct un classique. Hein. Ouais. Mm. Ah, ouais, ça c'est un classique. Ça, donc c'était le Portsmouth Symphonia qui interprétait ça tout de suite. Vous allez, Zarathustra. Voilà, vous allez beaucoup l'écouter sur ma radio. Je pense que c'est qu'il va nous, il va me filer ce petit. Je voudrais quand même préciser que c'est ce qui est important. Ouais. Ah oui, d'accord. En fait, tu coupes mon morceau, c'est pour ça. Non, on s'est pas calé à ce niveau-là. Qu'est-ce que je dois faire alors? Non, mais lui, tu me fais ça. Enfin, je te fais des petits signes. Voilà, c'est ça. Ah merde. Ouais. La présence du Whitefire à notre bord est la seule chose qui compte. Non mais ouais. Ça voilà, c'est important de le dire. Non, c'est sûr, le Whitefire. Tu n'as jamais vu ce film, le Whitefire? Non. Alias le diamant? Non. Alias vivre pour survivre? Non. Alias... Non, j'ai pas d'autre alias. Non. Eh ben c'est un chef-d'œuvre du cinéma pourtant. Mais non, mais je suis étonné que chez Studio... Magazine, tu n'as pas fait de... Non, on n'a jamais eu de projection de ce film-là. Dieu sait si on a eu des projections. Un jour, j'en parlerai un peu plus peut-être. Ouais, ok. En tout cas, le Whitefire, si un jour ça vous tombe sous la main, n'hésitez pas. Est-ce que tu aimes Atari? Tu veux dire la les console jeux, ouais. Je suis pas très jeu vidéo. Et Amiga un peu. Non, mais j'ai jamais été jeu vidéo. T'avais pas de console? Si, mais... J'ai eu Pong, moi, en 76. Non, mais moi, je... Oh, oui, ok. Alors, je rappelle à tous les éditeurs nombreux qui sont là ce soir... Michel Vedette est né en 1936. Voilà, Michel Vedette est né en 1936. Il a un complexe de vieillesse. C'est-à-dire qu'il précise toujours qu'il est beaucoup plus vieux que tout le monde. Et ça lui fait plaisir. Et qu'il a vécu beaucoup plus de choses que vous. C'est tous. Faux. C'est faux, je suis encore puceau. C'est vrai. Par exemple. Moi aussi. Donc, voilà. Mais en ce qui concerne les jeux d'ordinateur, enfin tout ça... En même titre que le Whitefire n'est pas reconnu, j'ai l'impression que la musique des jeux Amiga n'est pas reconnue non plus. C'est tu un sais scandale. C'est faux. Parce que... Pardon, je finis ma tomate, j'expliquerai. Ouais, ça serait bien que tu ailles quand même que tu arrêtes d'ailleurs de manger des tomates pendant que tu parles. D'accord. Alors, si ce n'est pas respect pour moi. D'accord. Mais il y a toute une vague, notamment qui vient du Japon, oui. De musique créée à base... Que de musique de jeu. Je crois que ça s'appelle ça 8 bits. Peut-être. Il y a un jeune, je ne sais plus son nom, qui fait des reprises en 8 bits et voilà. qui est parti au Japon, qui est en tournée au Japon. Et ça cartonne. Et ça cartonne. C'est que des trucs genre à base de Super Mario, des choses comme ça, où ils reprennent les thématiques générales de ces jeux. Oui, mais il faut savoir qu'il y a quand même des grands compositeurs de musique qui ont passé des heures et des heures sur l'ordinateur à faire ce genre de choses. Je te balance. Ce son. Ah, le son est dégueulasse. C'est bon, hein. Mais je sais même pas pourquoi tu nous proposes ça ce soir. On est 3 heures. Tu peux nous rappeler juste l'idée, en fait, la thématique de ce soir raison, j'ai complètement oublié la thématique de ce soir. Eh bien, ce soir, c'est un spécial Big Bamboo. Et on va passer toute l'heure ensemble à attendre que le Big Bamboo se ramène. D'accord. Ok. Tu te déranges? Non, parce que j'étais en train de lire un mail en même temps. Jennifer qui nous parle des Stooges, des Futons, qui nous parle des taxidermistes. Enfin bon. Mais elle parle pas du Big Bamboo, alors que le Big Bamboo a été numéro 1 en 1977, ouais. Et puis personne s'en rappelle. Dommage. Je vais juste une petite parenthèse dans ton émission culte. Je voudrais juste dire à tous ceux qui veulent m'envoyer des messages et juste réagir à ce qu'on dit, envoyez-moi des mails sélection musique en un seul mot avec un C à la fin @orange.fr. Sélection musique @orange.fr. C'est beaucoup mieux, ça va beaucoup plus vite plutôt que j'aille sur Facebook, MySpace, toutes ces conneries-là. Voilà. Envoyez-moi des mails, ça sera sélectionmusique.fr @orange.fr. t'as essayé de faire un petit jingle? Non, tu es pas d'être bon, c'est... Désolé. Enfin, c'est pas très grave. Donc, tu nous disais quoi? Pardon pour ce petit intermède. Rien, je dis rien. Si, tu es le Big Bamboo. Ah oui, le Big Bamboo. Ouais. On va aller à la quête du Big Bamboo. À la quête du Big Bamboo. Donc c'est le Big Bamboo. Tu peux nous rappeler ce que c'est ou pas? Le Big Bamboo, voilà, c'est une danse culte. En parlant de danse, je fais une précision aussi. Encore une fois, une autre parenthèse. J'ouvre une autre parenthèse. Oui. Je rappelle que demain soir, tu ne fais pas l'Automatic Body Dancing Club. Non, parce que tu es en création musicale. Oui, je suis en studio à la maison. Tu es en studio à la maison. En revanche, je précise que le 18 décembre, c'est les 2 ans de l'Automatic Body Dancing Club. Tout à fait. Au Baron. Non. Au Paris. Au Paris. Donc oui, ça se déplace pour les 2 ans. Un anniversaire, voilà, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus Jones. Voilà. Donc ça sera le 18 décembre. Donc. 18 décembre, c'est un mardi. Très bien, on y sera tous. Tu sais ce qu'on va essayer de faire? Ouais. On va essayer de faire le 18 décembre, on va faire la radio en live du Paris. Ça pourrait être pas mal, ça, non? Pour les 2 ans. Mais je rêve, c'est mon rêve de faire une émission de radio en direct d'une boîte. On va essayer de faire ça ce soir. Allez, c'est pour la première. On va le vendre à Monsieur Ben Simon. Enfin à Marco surtout, je pense. À Marco. Pour le Paris, oui. D'accord. Ça sera Marco. Bon, bah, les deux, ça sera bien aussi. Alors, on écoute quoi ensuite, la vedette? J'ai passé un popcorn de James Last il y a quelques temps, je ne sais plus. Ouais. Et ben, j'ai retrouvé un autre popcorn. Ouais, alors celui-là, je l'ai trouvé avant-hier. D'accord. Moi, j'en ai planqué dans un disque. J'en ai beaucoup des popcorns aussi. Hein. Ouais, t'en as combien? Je sais pas. Ouais, j'en ai une bonne quinzaine. Ouais, des popcorns. Ouais, celui-là, il est. Celui-là, il va très loin. Celui-là, c'est une version. J'ai toujours très peur quand tu me dis ça. Non, celui-là, il est très très bon. Ça, tu vas aimer, je pense. C'est Patty Brooks. C'est une. Ceux qui aiment le disco connaissent. Rien à voir avec Brooks. Non. Je sais pas de qui tu parles, mais il va rien avoir avec. Et de Mel Brooks. Fait partie de la famille des chanteuses. Fait partie de la famille des chanteuses de disco qu'il y a eu pendant des années disco. Quoi. D'accord. Patty Brooks, sa version de popcorn. Alors, le popcorn, ça se danse. Oh là, oui, tu parles fort là. Excuse-moi. Non, mais pas de problème. Le popcorn, ça se danse. Ouais. T'as une danse sur le popcorn, toi. Ouais, mais je la fais, attends. Alors, non, mais la fais pas parce que. Voilà. Ah ouais. Alors, je vais vous décrire ce qu'il est en train de faire. Il est en train de lever son bras gauche et son bras et sa jambe gauche en même temps. En même temps, bref, il lève plein de choses. Enfin, c'est très bizarre. C'est une jambe, c'est une danse très bizarre. C'est gracieux. Mais dis donc, ça ressemble pas du tout à du popcorn ce que tu fais, c'est comme danse. Ah ouais, mais tu me dis de pas gérer le son, après tu me dis gère le son, enfin bon, je sais plus moi. Tu peux pas faire de la paraphrase de musique quand tu danses. Non, c'est sûr. Non, c'est lourdos. Donc attends, Monsieur Vedette. Oui. Tu es heureux ce soir? Oui. Oui. Tu vas nous balancer une chanson qui rend les gens heureux. Ah oui, il fait froid dehors. Et ben ici, il fait chaud. Il fait chaud dans les cœurs et les âmes se réchauffent à l'écoute de Joachim et de Michel. Ouais. Michel, après tout prévu pour que ça se passe bien. Et tu sais qu'il y a des gens qui réécoutent l'émission sur le blog. J'ai les seins qui se durcissent. Les seins carrément. Toute la partie synthale. Toute la partie synthale se durcit. Les cheveux se raidissent. Et Dieu sait qu'ils sont beaux. Et Dieu sait qu'ils sont soyeux. Tu aimes le Cambodge? Je aime le Cambodge. Les Khmers rouges, je n'aime, j'aime un peu moins les Khmers rouges. Et les Khmers tout court. Moi, j'aime bien les Khmers tout court, ça va. Les Khmers... les Khmers. Les... Tu peux pas dire du mal des Khmers, c'est une culture, c'est une civilisation. Ouais, non, mais les Khmers, c'est bien. Eh ben... J'essayais de faire une vanne sur le mot Khmer, mais j'y arrive pas. Non, mais là, c'est pas soirée vanne. Hein. Ah si. C'est soirée Big Bamboo. Ah d'accord, mais moi j'ai quand même envie de faire des vannes. En voyant ta gueule là, j'ai envie de faire des vannes. Sit, non, sat ti twi, ce qui veut dire look at the hole. Ok, regarde, dire, regarde le trou. Non, hole, O-W-L, je sais pas ce que c'est. C'est le hibou. Ah, regarde le hibou. Regarde le hibou. C'est Anon qui chante, A-N-O-N. D'accord. C'est cambodgien, c'est les années 60. C'est, Rien à voir avec la chanson Cambodia de Kim Wilde. Non. Non. Non, alors ça, Satetui, truc cambodgien, c'est un classique du club. Ouais. C'est comme le Big Bamboo. Le Big Bamboo, ça a été un des morceaux qui culte phare. Phare au début, au lancement du club. Mm-hmm. Et il y avait aussi ce morceau-là, Satutui. Écoute ça. On écoute. Là, tu es obligé de danser. Tu parles comme bien, bien sûr. Ah mais moi je comprends très bien. Je trouve que les paroles sont très olé olé en ouais, plus. Ouais ouais. Enfin. T'as vu, il y avait un léger accent de l'Est cambodgien. Ouais, c'est de l'Est cambodgien, on le sent. C'est les mineurs. C'est, ouais, les mineurs cambodgiens. Les mineurs et les joueuses de tambourin. Ouais. On sent bien le côté tambourin dans cette. Ouais, ce vas-y, titre. Remets pour voir, parce qu'il y a une petite guitare derrière. Attends. Ah non, c'est un tassatidor. C'est de la sitar. Non, c'est du tassatidor. C'est gonflé ce qu'il vient de dire, je trouve. Ouais, vrai, mais en même temps, la tartinée qu'on leur a mis aussi. Ouais, non, mais c'est gonflé quand même. C'est pas très très sympa ce qu'il est en train de dire. Surtout, il est en train de parler de toi là, à un moment donné. Il envoie de la vanne là. Comme toi un peu. Ouais, ouais. Là, ouais. Il est en train de faire des vannes. Ouais. Bon, Michel. Bon, ton groupe là, Obscur Khmer, il était bien. Et ouais. Maintenant. Alors, ça, non, on se met en ronde au club. Ouais. Et mais puis, tu vas pas nous expliquer ce que tu fais au club, on s'en branle de ce que tu fais au club. Les gens, s'ils ont envie de voir ce que tu fais au club, ils viennent au club. T'as raison. Voilà, donc maintenant tu nous parles de musique. Ouais. Tu as préparé plein de petites notes et tu les lis même pas depuis tout à l'heure. Putain, j'avais des notes. Ouais. Joachim ressemble un peu au Capitaine Flamme. Ah bah voilà, j'avais ça comme note, dis donc. Ah putain, super tes notes. Tu ressembles au Capitaine mais Flamme. Mais j'ai pas de balafre. J'avais pas de balafre. Ah, c'était pas le capitaine. C'est Cobra, ça, non ? Non, c'était l'autre, là. Albator. Albator. J'avais prévu plutôt pour faire un tour dans l'espace plus tard, mais puisque tu en parles. Ouais. Pourquoi il est parti, lui ? On lui a rien demandé. On lui a rien demandé. Là, c'est ça, le problème de bosser avec des 45 tours, c'est. Ouais, mais c'est ça. C'est à un moment donné, tu gères plus du tout le 45 tours. Donc, je propose qu'on les fait. Parce que là, vu dans l'état qu'on n'est pas complètement réveillé encore, on va profiter pour aller carrément faire un tour dans l'espace. Ouais. Parce qu'on se réveille un peu plus dans l'espace. On n'a pas besoin de se réveiller ni d'être drôle. On a besoin d'être avec toi, Joachim, qui a un petit côté Capitaine Flamme. En apesanteur, tu veux dire. Un peu en apesanteur, voilà. Et j'ai envie de chanter la chanson. Ah, mais c'est la chanson spéciale pour qu'on soit tous les deux de dans le vaisseau. En apesanteur. Ouais, mais alors, si tu peux la suivre avec le rythme de cette chanson. Je connais pas les paroles. Je connais pas Calogero. Je connais pas les paroles. C'est comment Calogero ? Tu sais, c'est l'ancien chanteur des Charts. Tu te souviens de ce groupe Non. C'était un des premiers boys bands qui s'appelait les Charts. Ah ok, d'accord. Et voilà, et le chanteur qui s'appelle maintenant Calogero, Calo. Ah, c'est pour ça que c'est de la merde ce truc. C'est parce que c'est un mec qui est en ancien boys band. C'est pas de la merde, c'est une bonne variété française. Si on aime la variété française. Non, si tu connais un peu la variété française, tu sais que ça c'est de la merde. Non, mais la variété française contemporaine, c'est sûr que tu me parles. Bah, oui. Si, c'est un contemporain. Voilà, mec. Voilà. Avoir cru que la variété française des années 70-80 c'était de la merde, on a voulu faire de la variété française pseudo de qualité. Et voilà, mais on en retrouve. Non, avec c'est des... pas le problème. Et Calogero. Non, je suis pas d'accord. Mais bon, on écoute. Capitaine. Ouais. Fais gaffe. Je vois un astre là qui passe. Mais non, c'est le vaisseau de Princesse Leia. Ah non, c'est pas dans Capitaine Flamme ça. Si on avait été homosexuel, je crois que là on aurait fait des trucs. Attention, il y a un stop. Ah oui, il y a du saxo quand même. Oui, du saxo. Saxo, c'est important. Saxophone. Tu connais le roi du sexy saxo, Fausto Papetti ? Non, mais ça, je reconnais le saxophone. Un jour, je te ferai écouter Fausto Papetti, le roi du saxo sexy. J'ai envie de manger des petits Suisses. Arrête de vouloir manger quand, en fait, tu... Nous allons bientôt atterrir sur une autre île. Je crois reconnaître cette île. Oh, on dirait la Corse. Oui, je reconnais, c'est la Corse. Je vois un espèce de gros bonhomme qui nous fait coucou. Mmh. C'est une nounours. Ah, je le reconnais, c'est Tino Rossi. C'est Tino Rossi qui veut nous danser, nous chanter un truc de disco. Bien sûr, j'ai envie de vous chanter du disco ce soir. Tino Rossi plus Corse plus disco égale amour. Amore. Et si. Et Corsica, c'est dit amor, je crois. Hein. Amore. L'île de beauté. Oui, c'est ça. L'émission ce soir est sponsorisée par l'Office du tourisme Corse. Le FLNC ? Non, l'Office du tourisme. L'office, pas l'office. L'office du tourisme Corse vous sponsorise l'émission de Michel Vedette, Tino Rossi. Vas-y Tino, fais-nous danser, oui. Descendant dans nos ciels clairs une étoile, le vent caressant donne à la mer une voile, le cœur frémissant qui devant toi se dévoile, redonne ton cœur ce soir encore. Amour. T'aimes bien la petite wawa derrière ? Moi j'adore, hein. Dès qu'il y a de la wawa, moi ça me rend ouf. Ah ouf, ouf. Mais refusé, moi je le vole. Par trop longtemps, l'amour s'envole. Nous sommes à mi-parcours du Big Bambou. Ah, Nous sommes à la recherche du Big Bamboo. Oui, mais nous sommes à moitié du chemin. Tu sais qu'à chaque fois que tu me dis Big Bamboo, moi je pense à l'ex-femme, la dernière femme de Serge Gainsbourg. Hein. Ah. À chaque fois que tu me dis Big Bamboo, moi je pense à elle. Attends, attends, parce qu'il y a quand même, on est en train de rater le super solo de Amor Amor là quand même. Pardon. De la trompette. Pardon. La nuit qui descend donne au ciel clair une étoile. Le vent caressant donne à la mer une voile. Au cœur frémissant qui devant toi se dévoile. Redonne ton cœur ce soir encore. Amor, amor, amor. L'amour souvent s'enfuit au vent quand vient l'aurore. Toi, t'as jamais fait l'amour avec Tino Rossi? Jamais fait avec Tino Rossi, ni même sur la musique. Sur Tino Rossi. Sur Tino Rossi, c'est jamais. C'est une expérience, à mon avis, qui est très intéressante. Ouais, enfin, sur cette musique-là, sur celle qu'on vient d'écouter à l'instant, je pense que il faut trouver le rythme quand même. Hein. Parce qu'il faut y aller quand même. Le feeling, surtout. Ah, mort. Ouais, ouais, il faut avoir l'ergonomie envie. L'ergonomie globale. Ouais, il faut vraiment avoir envie de faire l'amour là-dessus quand même. Moi, il m'inspire pas des masses. Mais moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans la musique. C'est une sorte de défi. Ouais, c'est le défi à l'amour. Le défi à l'amour, l'amour. Bon, pareil. Et je vous rappelle à tous, auditeurs nombreux, que ce soir, on a Michel Vedette. Donc, dans son émission, Michel Vedette passe ses galettes. Demain soir, à 19h, c'est évidemment une surprise parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc c'est une surprise. Ouais, mais si tu dis pas plus de trucs, non, mais je ne dis pas. On s'en fout. Non, mais c'est une surprise. Ah, c'est une surprise totale. C'est quoi. Une surprise totale. Ça, on ne sait même pas à quoi ça ressemble, quoi. Non, ouais, c'est à forme humaine. C'est hein, en forme de cône. Non, forme humaine, forme humaine. Un humain. Humain avec deux bras, deux jambes. Ah ok. Bon, jusqu'à preuve du contraire, la dernière fois, il en avait deux et deux. Donc, qu'est-ce que tu bon. Penses je finis juste sur la promo, si tu permets. Ouais. Jeudi soir, n'oubliez pas. Et toi, t'écoutes quoi au cinéma? L'émission de Dumato. Voilà. Et bien sûr, comme vous avez maintenant bien sûr l'habitude de tout ça, et ben vous savez que vous écoutez à partir du vendredi la rediffusion ouais, et tout c'est le que week-end. Ça écoute, hein. Ouais, mais c'est j'ai les chiffres. Hein. Ouais. Alors. Ah bah moi, enfin pour moi. Les chiffres IFOP, hein, pas. On est à combien là? Ah ouais, à 70 millions. Pas mal. Le Mato fait toujours plus que moi, on dirait. Ouais, le Mato fait toujours plus que moi. Je sais pas si sur les rediffs il fait plus que moi, mais en tout cas. On s'en fout. Sur le direct, il fait plus. En ce qui concerne les rediffs, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur lesonlaradio.blogspot.com où vous pouvez écouter allègrement, vous pouvez downloader. Il a un style beaucoup plus commercial aussi. Voilà. Le quoi? Le Mato. Non, pourquoi? Ah oh, si, il est plus commercial. Mais non. Ah bon? Bah pas du tout, il parle du cinéma et pas forcément du cinéma. Non mais je parle pas de son style, ça. Son style à lui, son style vocal, tu vois, il est plus accrocheur. Quoi, mais je te rassure, tu as un style très commercial. Hein. Ah ouais. Ouais, même si toi tu veux pas être commercial. Moi, tu es malade. Ouais, enfin, tu... Je veux déménager de mon quartier, je veux être commercial. D'accord, tu habites dans quel quartier? 20e? 19, non, 18, c'est pas un quartier 18. En même temps ça, 18, 19, 20, c'est pas des quartiers, c'est des arrondissements ça. Oh là là, t'as décidé de me casser ce soir, c'est pas très gentil. J'habite à Châteaurouge. À Châteaurouge, 18e. D'accord. Bon, écoute, tout le monde est très content de savoir où tu habites, donc maintenant, qu'est-ce que tu écoutes dans ta maison? Il y a eu ce fantasme pendant les années 70 des nazis qui s'étaient échappés en Amérique du Sud. Se cacher. Ah oui, ouais, il y a eu des films là-dessus d'ailleurs. Il y a une espèce de fantasme là-dessus. Ouais, ouais, ils sont partis en Argentine, tout ça. Ouais. Et moi, à la même époque, il y avait la fameuse Easy Listening allemande dans les années 60-70 qui était furieuse. D'accord. Et il y a alors je vous ai passé l'autre fois du James Last, il y a un autre grand roi de la Easy Listening allemande qui s'appelle Klaus Wunderlich. Ah, Wunderlich, et il a fait plusieurs disques qui s'appellent Sud America, je sais pas quoi. D'accord. Et donc il toujours les grands classiques. Voilà, toujours dans cette lignée de dire que les nazis se planquent en Argentine. Non, mais j'aimais bien l'image de l'Allemand caché en Uruguay en train d'écouter du Klaus Wunderlich pour se rappeler sa terre natale. Tu vois, et là, il écouterait Besame Mucho et il serait un peu taré quand même. Donc, il lui faut une version un peu tarée. Et je te propose la version taré de Besame Mucho par Klaus Wunderlich. Ouais, on écoutait là. Michel. Yavol. Sers-moi donc un verre de caipirinha. Je n'ai que de la bière, monsieur, excusez-moi. Ah, c'est très embêtant, j'avais envie d'un verre de caipirinha. Nous ne l'avons pas en stock, par contre, je peux peut-être... Attendez, je reviens. La semaine dernière, je savais imiter l'accent allemand mélangé à l'accent marocain, mais je me rappelle plus. Ah merde. C'est dommage. Bésame, bésame mucho. Le nom de gosses qu'on dû... être fabriqué suite à ce morceau. Oh, j'ai eu très peur de ce que tu allais dire. Ah mais c'est permanence, hein, c'est le fil du rasoir. Hein. Le nombre de gosses des fois, ça peut être la chute. Qui ont dû se faire fabriquer. Ah, c'est vrai, la pédophilie n'est plus du tout à la mode de nos jours. Non, je crois que jamais. Hein. Tu me bon. Rates, si, ça fut à la mode. Oui, à l'époque, aux Romains, hein, on parlait de ça. Dans les Grecs. Les Grecs, les Romains aussi. Ils étaient... Je sais pas, je connais plus moins. Mais... Alors, c'était Bésame Mucho. Jingle. Oh, le jingle. Oui. C'était bidon ce jingle. Il n'y a même pas de parole, il n'y a rien. Ça annonce rien en fait ce jingle. C'est juste. On remet donc un coup, juste pour voir comment il est bidon. Ah oui, il est super bidon ce jingle, mais je l'adore. Tu sais que c'était le jingle de pub dans le film Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le film, bien sûr. De Jean-Yann. Ouais, je vois bien, mais... Merci bon. Jennifer de m'avoir envoyé Coït. Coït, Jennifer. De Jean-Yann. Voilà. Même si tu habites à Saint-Germain-des-Prés, ce qui n'est pas bien. Pourquoi ? Les filles... Saint-Germain-des-Prés, les filles de Saint-Germain-des-Prés. Ben moi, ce que je disais, les filles de la rive gauche sont très bien. Eh ben moi, je préfère ne rien dire. D'accord. Mais dis rien, on voit du son alors. Con, va. T'aimes bien Jean-Yann ? Ouais, moi j'aime beaucoup Jean-Yann. Il nous manque. Oh, mais oui, bon. Il nous manque, il faisait de la musique, du cinéma. Mais c'était un parolier exceptionnel. Voilà, de la chanson plutôt que de la musique. Ouais, c'était un parolier exceptionnel, un humoriste, un pince sans rire. Vraiment, c'était un mec bien et sûr. Lui, il a travaillé avec le discours il français. Il me fait penser dans à mon père, donc j'aime beaucoup. Et toi, tu fais penser au Capitaine Flamme, tout ça est très beau. Voilà, donc est-ce que Jean-Yann serait le père de Capitaine Flamme ? Je sais pas, mais en tout cas, Florence Foster Jenkins, je pense qu'elle pourrait être très pote avec le Symphonia, Portsmouth Symphonia Orchestra. Tu vas comprendre pourquoi. Ouais, ok. On écoute. C'est la flûte enchantée quand même. Excuse-moi. Attention, elle va partir là. Non, je m'en fous, bah qu'elle parte justement. Attends. Non, c'est insupportable. Attends, c'est insupportable. Non, mais tant. Comme quoi, tu vois, il faut pas désespérer. Hein. Star monde... en 1910, mec. Tout le monde peut devenir chanteur, finalement. Et ça, t'as trouvé ça où, ça ? Chut. Mais toi, t'as pas connu l'époque du pétoman. Ah non, aussi, c'est sûr pour que, ça. C'est sûr que moi, en 1910, j'ai pas connu, non. Mais non, mais le pétoman, il était connu dans le monde entier avec ses paix. D'accord, mais toi, c'est t'as une connu autre ça époque. T'as connu ça ? C'est une autre époque. T'as connu ça ? T'es pas si vieux que ça, tête de con, va. Arrête de me faire croire que t'es si vieux que ça. J'écoute de tout petit, j'ai tout petit. Mais donc, non, mais c'est pour elle s'appelle, dire que elle, le monde, il est plus aussi rigolo qu'avant, on dirait des comment, fois. Lara Fabian si le monde non, est très rigolo comment elle s'appelle, même. Elle Oui, Lara Fabian. Tu vois, je préfère elle à Lara Fabian, par exemple. Vachement plus punk. Elle s'appelle comment, elle ? Florence Foster Jenkins. Les gens se damnaient. Pas à ses concerts, assez qu'on appelle ça quand c'est des classiques. Là, on a un manque de culture quand même. Non, assez récital. Assez récito. Assez récito, ouais. Ouais, je suis pas sûr que c'est ce qu'on joue. Ouais, peut-être, c'est récito. Assez récito, oui, tu as raison. Assez récito, ils accouraient assez récito. En et grande tenue de soirée. Ouais, bah écoute, chacun ses goûts hein, de merde. Et moi, après, ils allaient voir le Pétoman. Ok. Donc c'était une sorte de... Mais c'était l'humour en fait. Pas du tout, je crois que... Il y avait une sorte de dérision. C'est pas drôle si c'est de l'humour. Non mais c'est une sorte de dérision. On va écouter cette fille-là et comme on allait voir la femme à deux têtes ou la femme comme, à barbe. Ou comme aujourd'hui on regarde TF1. Ouais, d'accord. Enfin, moi, qui nous rappellent qu'on est... Qu'est-ce qu'il est con celui-là. Ah, c'est ça. Pareil. C'est-à-dire que ça nous remet... Ah bah c'est ça, l'homme moderne. Ouais. Contemporain a besoin de voir des gens qui lui donnent l'impression d'être intelligent. Comme quand tu. Et plus fort. D'accord, ok. Ok, bah c'est écouter Jenkins, c'est ça, tu nous dis qu'on n'achète pas ce qu'elle a fait, elle. C'est Jenkins. Florence Foster Jenkins. Bon, bah très bien. Amis auditeurs, vous partez en nombre, je vous comprends. Restez encore un peu parce qu'il n'y aura pas que du Florence Foster Jenkins ce soir, il y aura d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Le bambou se rapproche de dangereusement. On est content. Ah tiens, attends, je crois que j'ai un petit message là. Vas-y, monte vas-y, le son, vas-y, un petit message. Attends, vas-y, on va. Une petite question. Vas-y. Ah, attends, je laisse finir Florence. Merci Florence. Tiens, il y a un petit message là, écoute. Ouais, j'écoute. Et si on se faisait la chatte du samedi soir ? Ok. Mais c'est bon, j'aime bien. Hein. Tous tes petits jingles, ils sont très intéressants. Tu connais celui-là ? La chatte du samedi soir ? Non. C'est quoi ? Pardon ? Non, c'est pas vrai. Ah bah non, mais tu t'as beau me le repasser, je pas si ça. Et si on se faisait la chatte du samedi soir ? Ok, donc c'est quoi ? Bah, Boogie Night. Boogie Night, c'est vrai. mais en même temps, t'isoles deux mots. Donc, ah ouais, mais. Je sais si c'est un film culte pour moi, mais là, si on se fait la chatte du samedi soir, je crois que je ne l'ai pas vu en français en plus. Donc, Ah, bah, je sais pas, j'imagine qu'en anglais, c'est quoi en anglais ? Let's go for the crazy pussy Saturday Night Fever. Yes, maybe. Alors, on écoute quoi, la chatte du samedi soir, Michel ? Le tube qui a révolutionné 1976. Du disco, laisse-moi deviner, c'est du disco. C'est du Tropical Vacances, j'appelle ça. D'accord. Donc il y a eu toute une vague. Ouais. Donc, il y avait un groupe qui s'appelait Chocolates, qui était spécialisé en ça. Ouais. Et ça, bah tiens, tout à l'heure, j'ai passé Tino Rossi. Bah, figure-toi que c'est le fils de Tino Rossi qui a produit ça et qui s'est fait, à mon avis, il a pu s'acheter au moins 4-5 villas avec ça, puisque c'est le fameux Bimbo. En version 45 tours, hein. Sinon ça n'avait pas aucun intérêt. T'es né quand toi ? T'es né en 76 ? Pardon, j'entends pas, attends deux secondes, je baisse, j'entendais. Je suis né en 76, donc c'est là. T'as sûrement été créé sur ça, mec. Non. Ah si, parce qu'en fait, je me suis trompé, c'est 75, je crois, ça. Donc, ah non, bah si, c'est l'été 75. Bah, le nombre de couples qui se sont collés serrés dans tous les clubs. Toi, c'est la grande année du Club Med. Alors, excuse-moi, Michel, c'est un truc qui te hante. On a tous des petites hantises. C'est-à-dire, c'est sur quelle musique j'ai on t'a été créé, créé. Bah, procréé. Donc, alors toi, tu sais sur quelle musique t'as été créé ou pas? Attends, laisse-moi réfléchir. Tu sais qu'on on ne baisse pas tous sur la musique, surtout à l'époque, à notre, enfin à l'époque de nos parents, ils n'avaient pas de radio cassette, de trucs comme ça dans leur chambre. Mais il y avait la radio, il y avait Europe 1. Ouais, enfin, ils n'avaient pas tous la radio, ils se mettaient pas Europe 1 pour baiser dans la chambre. Excuse-moi, c'est glauque. Enfin, moi, j'espère que mes parents. Ah, mais à l'époque, Europe 1, c'était pas Europe 1 aujourd'hui. Non, hein, mais je rassure. Moi, je te rassure une chose. J'espère que mes parents n'ont pas balancé de la musique pour baiser et se dire, oh, tiens, on va. Non, mais tes parents font l'amour, ils ne baissent pas. Excuse-moi. Oui, c'est sûr. Enfin, oui. Enfin, je sais pas d'ailleurs. Mais dis-moi, donc, toi, tu sais sur quelle musique t'as été créé? Enfin, en tout cas, t'aurais aimé être créé sur quelle musique? Mon plus vieux souvenir musical, ouais. Je vais te le dire, puisque tu me poses la question, c'est Pour un flirt de Michel Delpech. Bah, c'était pas sorti encore à cette époque-là, si. Quand t'es né, parce que je rappelle que t'as 59 ans. Hein. C'est peut-être... C'était, voilà, c'est ça. Moi, c'est Michel Delpech pour un flirt et Obladi Oblada. Ah, donc, c'est ton idéal... C'est d'avoir été créé sur l'un des deux titres. Non, je ne sais pas sur quoi j'ai été créé, par définition. Alors, amis auditeurs, nombreux, si vous voulez m'envoyer un mail... Non, ce qui peut être drôle, plutôt que de savoir sur quoi t'es créé, quand même pas évident, parce que t'étais non, pas là, quel est ton plus vieux morceau que tu te rappelles? Ouais, ou si alors, c'est français, je sais pas, mais on s'en fiche. On s'en fout, on n'est pas au prix littéraire ce soir. En tout cas, ce que je voudrais juste savoir, c'est vous, nombreux auditeurs, envoyez-moi un mail, sélection musique en un seul mot avec un seul à la fin, @orange.fr, pour savoir sur quelle musique vous auriez voulu être créé, ou en tout cas, quel est votre plus vieux souvenir de musique. Voilà, c'est deux questions. Mais premièrement, quel morceau? Deuxièmement, quel morceau? Ouais, voilà. C'est plus clair comme ça. C'est plus clair, merci. Merci. Et toi, tu veux juste me dire sur quel morceau tu aurais aimé être créé? Moi? Ouais. Je te le dirai après. Tu réfléchis, ouais, moi je vais juste dire sur quel morceau. Ah, parce que toi tu sais déjà. Moi je sais. Faut que ça soit un morceau qui correspond à 9 mois avant où tu sois né. Sinon, ouais, mais je pense que c'est pas plus, loin. Ou plus vieux quoi. Mais... C'est Joe Dassin. Je pense que ça lequel? A été. Bah, les Amoureux. Salut les amoureux. Ouais, le truc qu'on a balancé la dernière fois. Ouais. Je suis désolé, mais c'est ce titre qui, pour moi, a bercé mon enfance. Mais je suis pas sûr qu'il soit de 70. Je vais regarder. On va regarder. Il est juste de 77 ou 18. Bon, hein. On va regarder. Bon, malheureusement, sinon je trouverai un autre titre. Auditeurs nombreux, envoyez-moi des mails et vous nous direz. On le passera à l'antenne. Si vous nous envoyez des musiques qu'on a, on les passera. Ok. On fera une sorte de sélection. Un spécial sur quoi j'aurais voulu être procréé. Voilà, c'est bien, exactement. C'est pas ça, mal. C'est du concept lourd d'émission, ça. C'est du lourd. Qu'est-ce que tu nous envoies après? Alors, c'est l'Indien. C'est l'Indien. En fait, là, il y a vraiment une grosse histoire et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui a connu l'homme qui a vu l'homme. D'accord. Juste l'Indien, tu sais que Bison Futé, en parlant d'Indien. Bison oui. Futé, tu sais que ça. Quelle année c'est, Bison Futé? C'est les années 70. 76, plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que l'année 76, enfin 75 exactement. En astrologie chinoise, c'était l'année du bison. L'été 75, il y a eu un énorme chassé-croisé d'Aoussiens et de Juilletistes, qui est pour moi la période préférée de l'année. Hein. J'adore quand les Aoussiens et les Juilletistes se croisent sur les autoroutes. Bah, écoute, 600 km de bouchons. Ouais. Donc Bison Futé. Ah, c'était pour ça, il y a un film avec Devers, ça s'appelle Le Grand Embouteillage. Peut-être, qui sait. Ouais, en tout cas, jeudi soir, Thomas nous dira peut-être si c'est ça. Donc voilà, 76, les créations de Bison Futé. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ah si, parce que tu parlais de l'Indien et ça m'a fait penser à Bison l'Indien, Futé. C'est un une information que j'ai eue aujourd'hui. L'Indien, c'est un mec, un Québécois, canadien-québécois, je crois. Et il se produisait, il habitait sous la Tour Eiffel. Il avait pris la Tour Eiffel comme tente, comme tipi. Mais c'est un beau tipi, la Tour Eiffel, pour un Indien. Mais quand ça, on parle de quelle date? Oh, milieu 70. 70, oui. Bon. Excuse-moi de poser 70. À chaque fois la question. chaque fois, je me dis, ça, il va nous parler de... Mais non, c'est 70 à chaque fois. Donc. Ok. Et c'est le fils du produit. Tout s'est fait en 70 et c'est arrêté en 70. Il n'y a rien d'autre pour toi. Non, c'est faux. Ah d'accord. Tu veux que je parle de ma période rêveur de 90? J'aimerais bien. La prochaine fois, tu feras une spéciale sélection rêve. Je ferai une spéciale sélection 90. Rêve. Peut-être. Rêve, alter rock alternatif et tout ces conneries. D'accord. Bon, je ne sais pas si je vais m'en sortir à expliquer parce que moi, dès que je dois être explicatif, je suis complètement dans le couscous. Tente. Jennifer. Alors, l'Indien et Jennifer. Ce gars-là, il habitait sous la Tour Eiffel. C'est le fils du producteur qui me l'a dit. D'accord. Et c'était un vrai Indien, complètement fou, champion d'arts martiaux et véritablement Indien avec des plumes et qui faisait de la chanson. Et il avait fait un morceau de disco Et le mec entend ça, et ça, le producteur, et ça ressemblait. C'était une fille qui chantait, il dit, mais c'est pas possible. Et quand il a appris que c'était un mec, il dit, mais non, c'est pas possible, on peut pas vendre ça sous le nom d'un mec, c'est une fille qui chante. Donc c'est pour ça qu'ils ont été chercher une nana, Jennifer. C'est pas la nana qui a dégainé la star, rassure-moi. Non, Jennifer, c'est la femme de Gérard Lanvin. D'accord. Et donc. L'ex-femme ou la. J'en sais rien, à l'époque. Ouais. Ah, il a, c'est possible, c'est une showbiz. Ouais. Et Jennifer, pour ceux qui seraient fans de Jennifer, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, et ben, c'est pas elle qui chante, c'est Michel Deloire, alias l'Indien. Oh merde! Ah bah moi qui étais super excité à l'idée d'écouter Miss Jennifer, et ben voilà, je me fais baiser encore. Et ben Michel Deloire, alias Jennifer, alias l'Indien, I Don't Need Your Love, ça fut le thème de ma première période Michel Vedette, en 2001. Un truc, si tu galères pour expliquer tout ça, dont on s'en fout, évite la prochaine fois. Laisse-le juste écouter la musique, c'est beaucoup plus intéressant. Non, mais on croit que c'est une fille, mais c'est un mec qui chante. Ah, c'est un mec. On sait que Bonnem, c'est pas eux qui chantent, Milli Vanilli, tu sais, c'est le même délire, tu sais, là. Je comprends. Connu en 2001, j'ai fait quelques spectacles et il y avait parmi les musiques celle-là. Je rappelle à tous les gens qui nous envoient donc des mails, mais j'en reçois des dizaines bien sûr, qu'il y a évidemment un cadeau à gagner. Donc c'est le bouquin de Marc Lévy. Ah, le bouquin de Marc Lévy. Dédicacé par Paul Lussulitzer. Hein, donc cherchez l'erreur. Tiens, allons chercher Jean-Paul Starr pendant que tu parles de la chambre. Bien avec le disco, c'est que tu peux parler pendant que ça passe. Et tu peux danser, parler, tu peux faire plein de choses en même temps avec le disco, c'est ça qui est pratique avec le disco. Ah, Jean-Paul Starr. Alors, c'est Joachim qui va donc être imprégné de l'esprit de Jean-Paul Starr. Citer Jean-Paul Starr, n'avoir aucun doute. Attends, non, tu peux faire une pause avant de le citer. Citer Jean-Paul Starr. Pause. Envoie. N'avoir aucun doute, c'est la moitié de la victoire et vice-versa. Alors disco c'est pratique, par contre pour réfléchir c'est super dur. Là j'ai rien compris moi du coup. Avec le disco et Jean-Paul Starr ensemble ça va être dur. J'ai envie de te dire, c'est trop facile d'être snob et ça mérite toujours des baffes. D'accord. Vas-y. Les zones érogènes et d'automutilation font bon ménage, pour nous rappeler qu'on est vivant. Oh putain, je crois que tu vas t'arrêter là parce que là tu vas. Ouais, c'est Jean-Paul Star. Tu sais où tu l'as, il l'a dit quand Celui-là, en 2002. Les zones érogènes et d'automutilation font bon ménage pour nous rappeler qu'on est vivant. Voilà. Bon, ça, je sais pas si c'est possible. Ouais. Bon, bah, c'est bizarre, en tout cas, c'est une pensée de Jean-Paul Star. Et tu sais qu'on est à un morceau moins un morceau du Big Bambou. Ouais, on est exactement, parce qu'on est exactement très, très près d'être fini. Hein. Tiens, il y a PD, Patrick Devers, qui veut nous dire un truc. T'es une putain, hein ? Une sale putain. Qui suce les coiffeurs ? Suce les coiffeurs. Et qui porte pas de culottes ? Et qui porte pas de culottes ! Et ouais, et je vous rappelle, de par le même fait, que jeudi soir, c'est la spéciale Patrick Devers sur ma radio avec l'émission. Et je peux venir ? Bon, ben bien sûr. Parce que quand il s'agit de Patrick Devers, tu es invité. Et c'est la spéciale Patrick Devers jeudi soir à 19h en direct, en live, dans l'émission. Et toi, t'écoutes quoi au cinéma ? Présenté par Le Mato. Et ça, en général, ça rameute du monde. Tu sais que dans les années 70, c'était la fin du monde aussi. C'était pas seulement le début de tout et la fin de tout, c'était aussi le début et la fin de tout. Et Johnny Hallyday en a fait une chanson. Elle a dû être très belle. Ne faisons pas de nos limites un choix. Arrête maintenant, laisse parler Johnny. Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune ? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière ? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne. Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade ? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Allons, ne vous moquez pas de moi. C'est un duo, c'est Johnny et Beethoven. Ah oui. Qui a marché dans ce chemin ? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée ? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé ? Dites-moi, allons, ne me racontez plus d'histoire. J'ai besoin de toucher et de voir pour y croire. Vraiment, c'est vrai ? Le sable était blanc ? Vraiment, c'est vrai ? Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons. C'est vrai ? Ça a vraiment existé ? Je crois que Jean-Paul Starr a quelque chose à dire par rapport à tout ça pour bien mettre les choses bien au clair finalement et tout quoi. La majorité du monde préfère une vie bien dans un monde de merde que le contraire. Ah merde. Je répète. Non mais c'est bon, on a compris. La majorité du monde préfère une vie bien dans un monde de merde que le contraire. Ouais. Jean-Paul Starr, hein, franchement... Décevant ce soir, hein, Jean-Paul Starr. Oh là là, il nous balance des trucs. Oh là là, Jean-Paul Starr, ta gueule. Ah. Eh bien, je crois que nous arrivons en vue du Big Bambou. Du Big Bambou arrive. Et je crois qu'il ne nous faut pas moins de 3 jingles pour envoyer le Big Bambou. Bien sûr. Alors, premier jingle. Des jingles. Deuxième jingle. Petit troisième jingle. Ladies and gentlemen, the super show from your discotheque. Oh pétard, ça va être du lourd ce Big Bamboo. Ah, ce Big Bamboo. Alors le Big Bamboo, faut faire attention. Le poteau rose de la soirée, hein. Le clou du spectacle. Le Big Bamboo, fais gaffe, s'il est derrière toi, ça risque de faire mal. Aïe aïe aïe. Le Big Bamboo arrive. On le sent, on le sent. Tu sens là comment il monte ? Ah, il monte petit à petit, il arrive. Tu veux que je te dise un truc, je me demande, les mecs qui ont écrit les paroles de ce truc-là, ils se sont dit, ah oh putain, je tiens un truc, on va parler du Big Bamboo, un bambou, voilà. Car mec, une voix super virile. Ouais, ouais, un truc, ah, viens, on parle du Big Bamboo, ça fait un tube. Ouais, on met des petites voix de nana un peu hystérique. Ah mais je me demande ce qu'ils avaient fumé, pris, gobé, tout ce bu, enfin ils ont pris énormément de choses. Ah bah tu crois pas qu'il existait à l'existence du Big Bamboo, tu crois pas toi. Bien évidemment, c'est une danse, hein, le Big Bamboo en même temps. Bien sûr, tu as donc composé une danse autour de ça, ou inversement Au-delà, c'est ni l'un ni l'autre, bien au contraire. D'accord. Donc, c'était ton émission ce soir. Michel Vedette a dépoussiéré un nombre de galettes incroyable encore ce soir. Bien sûr, vous le retrouvez toutes les semaines, tous les mardis soirs à 19h pour une sélection improbable. Et oui, on est ravis de ça, avec du Tino Rossi, du Big Bamboo, de tout ça. Enfin bon, ça c'est chaque semaine, hein. Vous pouvez venir l'écouter et on est ravis de ça, non ? Ouais, ouais. Toi, t'es content de faire ça ou pas ? Moi, j'aimerais surtout faire l'amour. Donc, auditrices nombreuses, vous avez entendu le cri. Ah oui, alors si c'est juste pour du sexe, par contre, non. Oh, fais pas chier, tu vas pas titiller là. Ah mais vas-y, prends ce qu'il y a à prendre. Mort dedans. Mort, croque. Croque. Croque dans la pomme. De la vie. Non, de la chatte. Oh, oh, oh, oh, carrément. De la voisine. La chatte à la voisine. Chatte à la voisine. Pointe encore. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Je vais en parler à mon frère. C'est inutile. C'est moi qui commande et c'est moi qui fixerai le rendez-vous. Pour le Whitefire. Eh bien, voilà, l'émission s'achève. Avec voilà, un petit morceau de Spacer pour nous accompagner sur le blabla de sortie. D'accord. Évidemment, vous retrouvez Michel, encore une fois, tous les mardis soirs à 19h. On est ravis de ça. Bonsoir Michel, merci. J'ai des mardis très chargés au mois de décembre. Voilà, voilà, c'est pas grave. Mais je serai là quand même. Mais de toute façon, je propose une chose, c'est qu'on fasse en direct live ma radio et l'émission de ma radio le 18 décembre pour les 2 ans de l'Automatic Body Dancing Club. Ça me paraît pas mal, ça. On va essayer de mettre ça en place. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Avec une bonne programmation, tout ça en direct. Non, une programmation de merde. La programmation de l'automatique avec beaucoup d'intervenants, etc., etc. Je pense qu'on peut bien se marrer. Ouais, c'est un de mes rêves, hein, ça, de faire une émission de radio au milieu d'un dance floor. Pour tes 2 ans, pour les 2 ans de ton club, on fera ça. Ouais, okay. Ouais, ça sonne bien. Et moi, je vous dis à demain soir pour la bonne surprise à 19h. Jeudi soir pour Et si. Et toi, t'écoutes quoi au cinéma avec le Mato et spécial, une spéciale Patrick Devers. Et bien sûr. Je serai là. Tu seras là. Et bien sûr, on vous quitte avec de la musique. Avec du Spacer. C'est du Spacer. C'est un style de musique qui a énormément marché, laisse-moi deviner, dans les années 70. Ouais, mais non, plus précisément, entre 77 et 79. D'accord. C'est du Spacer. D'accord. À l'époque, on n'écoutait que du punk. Ou du Spacer. Moi, j'écoutais les deux. Il est 20h. Je vous laisse avec la fin du Spacer. Et vous pouvez prendre votre RER habituel. Voilà. Et vous cassez. Oh putain, c'est vrai qu'il y a. Oh merde. Il n'y a plus de métro à partir de ce soir. Est-ce que tu prends le métro, toi ? Ouais, moi, j'aime bien prendre le métro en ce moment. Je suis un mec du métro. Sur le clavinette. Ok, n'oubliez pas une chose aussi, c'est que d'ici une minute à peine, il y aura des connexions. Vous pourrez vous reconnecter parce qu'on passe en mode playlist jusqu'à demain 18h. Et vous pourrez écouter toute la playlist que je vais vous balancer. Voilà, c'était ma radio live. Avec Joachim et Michel Vedette, Michel Magic Vedette. Joachim, c'est comment ton adjectif qui va avec ? Non, moi, Joachim, silence. Moi, à un moment donné, on m'appelait Joachim le platiniste. Mais Joachim. C'était un « on » encore. Non, mais c'est bien. Allez, salut, à demain.